On se fait une petite respiration de concentration. On fait un beau cercle. Petite respiration collective. Fuego, esta vela, le chante la. chantera. Fuego, fuego, le tele la, fuego, le chantera. Fuego, fuego, le tele la, fuego, le chantera. Bravo.